Chapitre 31 La jeunesse de J.B. Jusqu'à la grande solographie de ce fatal nouvel an, marqué par le retour de Ragdal, un vrai porte-guigne, les Chopins n'avaient pas connu les jours noirs. L'honnête ivrogne était un rude bûcheur, voire un artiste dans sa partie. Nous allons voir se dérouler sous nos yeux la fin de son histoire. Le commencement avait été tel. J.B. était le fils d'un vigneron de Bourgogne, venu à Paris sous l'Empire après la mort de sa femme pour s'établir marchand de vin. Il en manquait, croyait-il. Il ne tarda pas à manger ses économies et il but son fond pour se consoler. Finalement, n'ayant plus rien, il s'en retourna au pays et mourut dans son coin, tout seul comme un hibou. Mais, persuadé qu'avec un bon métier dans les mains et du sang dans les veines, on peut toujours se tirer d'affaires à Paris, il avait laissé Jean-Baptiste, son fieu, en apprentissage rue Vieille du Temple chez le père Cognecogne, un bijoutier chéniste en or où l'on faisait la gourmette. L'enfance et l'adolescence de J.B. ne furent pas toutes roses. Comme arpète, comme apprenti, on le couchait au grenier, et il n'était pas de l'avis du bon chansonnier. Dans le grenier, qu'on est bien à 20 ans. Il s'y trouvait mal en tout temps, gelé en hiver, rôti en été. Mais c'était un gars à poil, d'attaque et de rebif. Il grandit sans se faire de bile. Bien entendu, il était nourri par le singe, savoir, pour déjeuner, 3 sous et le pain, à dîner, la soupe et le bœuf, plus un verre de vin de satisfaction. Le brutal, le pain, était seul à discrétion, et avec l'appétit de son âge, le gamin poussait la croustille jusqu'à l'indiscrétion. Et la patronne avait parfois déçué. Ah, son briqueton d'attrape-science, comme il le regrettait amèrement aujourd'hui à la santé, que nous allons bientôt visiter, et où il en était réduit à l'infecte boule de son farcie de moisissure. Ce n'était pourtant pas du pain frais ni blanc non plus qu'on lui servait autant jadis. Tous les matins, la porteuse mettait une miche sous celle des jours précédents, afin de lui laisser le temps de durcir, et on ne la prenait qu'à son tour, le surlendemain au plus tôt. Sans ça, les arpètes auraient tout bouffé comme des voraces d'un seul coup. C'est égal, quelle différence avec le menu des prisons! Et puis, il y avait des petits extras, des chatteries. J.B. Chopin s'en souvenait avec une émotion rétrospective. On achetait 1 sou de fromage d'Italie ou de pâté de foie, 1 sou de gelée de groseille, ou plutôt de gélatine rougie, mais quand on voulait se payer des confitures de cerises, rien que ça, il fallait s'associer à 2 arpètes, car l'épicier n'en donnait que pour 2 sous à la fois. Par contre, il consentait à délivrer à sa jeune clientèle 1 sou de raisinée en 2 parts. On se cotisait aussi pour la salade, 1 botte de cresson et 5 centimes d'assaisonnement, sel, poivre, huile et vinaigre, ce qui faisait quelque peu renauder l'épicemar. Mais, comme on prenait chez lui les fournitures de la patronne, il était obligé de faire des concessions, cet homme. D'autant plus que le père Cognecogne avait le coup de gueule. Et la gourmette facile à l'occasion, c'était connu. Sacré père Cognecogne. Il la connaissait dans les recoins. Et J.B. avait été chez lui à bonne école. Il était passé à prêteur et maître à son tour. Et son service fini, il s'était marié avec Fifine, une blanchisseuse de la rue de la Charbonnière. Son Charlot, espérait-il, lui succéderait comme fameux lapin dans la bijouterie moderne. Ça n'en prenait pas le chemin en ce moment. Car le gosse débarquait à la petite roquette, où nous le retrouverons tout à l'heure. Et tout l'espoir du pauvre J.B. s'écroulait.